journée entière à caresser ta peau, à te humer sans cesse. De bas en haut à jouer avec tes sens à la limite du pabo libidineux en permanence. Toi seul dans mon tableau, je passerai des journées entières à me frotter sur ton dos, à titiller tes seins, ma bouche sur ton clito. Partir de haut en bas, finir de bas en haut à toute heure de la journée. Pour toi je ferai le beau, à peine tu vas me frôler que j'ai des frissons dans le dos. À peine je te vois onduler que j'ai comme un coup de chaud, je m'en tape, t'es toujours ok. Toi comme moi sommes bien barjots, je m'en tape, t'es toujours ok. Toi comme moi sommes bien chaud. J'sais pas ce que tu m'as fait, m'étonne du mguedro. Ça me fait un putain d'effet dès que je touche ta peau. Depuis que l'on se connaît, pas une journée ne passant que toi ou moi ayant des idées salaces. J'sais pas ce que tu m'as fait, m'étonne du mguedro. J'suis complètement intoxiqué, toxico à ta peau. Depuis que l'on se connaît, pas une journée ne passant que nous jouions à des jeux dont jamais l'on ne se lasse. Et même le temps qui passe ne nous calme en rien. J'ai toujours envie de toi, du soir au matin. Besoin de toi pour avancer, besoin de toi pour mes lendemains. Sans toi je peux à peine respirer, j'aime trop te sentir m'aimer. Être l'objet de tes attentions, et dans nos jeux c'est sous tension que nous voguons dans des sensations. Et sans retenue de nos pulsions, nous nous laissons aller à ces moments sacrés. Quand nos peaux entièrement fusionnées, nos cerveaux trop concentrés sur les mouvements de nos corps. J'aime trop ce décor. Et quand en entier je suis dans ta bouche, ou quand tes lèvres humides me touchent, tous mes sens sont en émoi. Le monde se dérobe autour de toi et rien ne peut nous arriver, tellement est fort notre verbe aimer. J'sais pas ce que tu m'as fait, m'étonne du mguedro. Ça me fait un putain d'effet dès que je touche ta peau. Depuis que l'on se connaît, pas une journée ne passant que toi ou moi ayant des idées salaces. J'sais pas ce que tu m'as fait, m'étonne du mguedro. J'suis complètement intoxiqué, toxico à ta peau. Depuis que l'on se connaît, pas une journée ne passant que nous jouions à des jeux dont jamais l'on ne se lasse. Et même ça commence à faire, j'passerai des journées entières. Je ne me lasse de rien, j'aime trop que l'on sache faire, à ne se faire que du bien. T'as tout compris de ce qu'il fallait, moi j'ai bien saisi ce qui te plaisait. Alors surtout ne t'arrête pas, et moi je continuerai à n'aimer que toi. Qu'est-ce que tu dis chérie, encore? Oh oui, là ça va, plus haut, plus bas. Oh oui, ne t'arrête pas, des journées entières à ne rester que toi et moi, ensemble, comme ça, surtout, plus bas. Oh oui, des journées entières à n'aimer que toi.